mesure, je te vois disparaître. Tu fuis comme Pierre Lescure, ou tu te jettes par la fenêtre. Arrête de dire, je te jure, t'es pire Julien Lepers. Et je t'écrase contre les murs. J'aime ça, mais toi t'aimes pas ça. Et ça le fait. Tate de, ça le fait. Tate de, ça le fait. Tate de, ça le fait. Tate de, fur et à mesure. Je te vois disparaître. Tu fuis comme Pierre Lescure, ou tu te jettes par la fenêtre. Arrête de dire, je te jure, t'es pire Julien Lepers. Et je t'écrase contre les murs. J'aime ça, mais toi t'aimes pas ça. Ça fur et à mesure. Je te vois, je te vois, je te vois, je te vois, ça le fait. Tate de, ça le fait. Tate de, ça le fait. Tate de, ça le fait. Tate de, tate de, tate de.